Le courrier du tsar par Arnaud Fontaine. Le tsar Ivan tenait conseil en son palais du Kremlin de Moscou quand son grand chambellan vint interrompre l'importante réunion d'état-major qu'il dirigeait sur la préparation de la guerre contre les Suédois. Le dignitaire murmura à l'oreille du monarque que Vassili, capitaine de sa garde personnelle, sollicitait de sa haute bienveillance une entrevue séance tenante. Surpris d'une telle requête venant d'un homme qu'il avait habitué à une fidélité et à une discrétion absolue, l'empereur de toutes les Russies sentit mille craintes sourdre en lui. Des pensées toutes plus effrayantes les unes que les autres traversèrent alors son esprit. D'un geste impatient de la main, de quelques mots et d'un air soucieux, il donna congé à ses généraux. Une fois seul dans le cabinet des estampes, il fit mander son favori. À peine ce dernier fut-il entré que l'empereur le pressa de questions. Une révolution était-elle en cours? Son fils était-il blessé, mort? Les Suédois avaient-ils envahi le pays? Parle, parle, que diable! Seul l'un de ces motifs pouvait expliquer pareille intrusion et une attitude aussi cavalière du hardi cavalier. En présence de son maître, le jeune capitaine, blanc comme un linceul, baissa la tête et bredouilla. « Non, majesté! » Vos opposants sont en route pour la Sibérie sous bonne escorte. Votre fils joue en ce moment avec ses soldats de plomb dans ses appartements, et les Suédois n'ont pas quitté leur garnison de Wilmanstrand et de Fredrikshamn. Le tsar, rasséréné, mais non pas adouci, lui jeta un regard incrédule en éructant « Что есть случилось? De quoi s'agit-il alors ?» Le capitaine des gardes lui raconta alors que dans la matinée il s'était rendu, comme tous les jeudis, au grand marché. Tandis qu'il musardait parmi les échoppes et les bancs des marchands, il était tombé nez à nez avec la mort. « La mort, tiens donc !» s'étonna le tsar. « Oui, sans aucun doute possible, » assura le cosaque. Elle était en grand habit. Sa cape noire au sinistre capuchon était reconnaissable entre toutes. Le jeune homme avait été tétanisé d'autant plus que personne ne semblait l'avoir à part lui. La camarde l'avait alors fixé de son visage cadavérique aux orbites dénucléées. Et comble d'horreur, elle avait esquissé en sa direction un long geste de sa main osseuse avant qu'un souffle glacial ne s'exhale de sa bouche. Le jeune officier avait reculé d'un pas, puis de deux, avant de tourner les talons et de s'enfuir en courant. Sa course ne s'était arrêtée qu'à l'office du chambellan. Le tsar dévisagea le capitaine. Son émoi n'était pas fin, sa terreur palpable tant la peur suintait encore par tous les pores de sa peau. Tu as l'air en bonne forme. Tu as déjoué le complot ourdi contre moi et tu as décapité l'opposition pour de longs mois. Je ne vois pas pourquoi la mort en aurait après toi. Le soldat était visiblement sourd aux sages paroles de l'empereur. Il demeurait muet comme une tombe. Lassé, le tsar lui dit « Vorobiov, je suis le tsar, pas Dieu, que veux-tu que j'y fasse ?»« Aldébaran, majesté. »« Mon cheval ? » ?»« Que diantre vient faire mon... » Que diantre vient faire mon cheval dans cette histoire? C'est la monture la plus rapide et la plus robuste qui existe. Prêtez-la-moi et autorisez-moi à prendre mes quartiers d'hiver aux confins de l'Empire. » Le tsar prit le temps de méditer. Vassili lui avait sauvé la vie quelques semaines auparavant au péril de la sienne. Si la mort le guettait à Moscou, il valait sans doute mieux exaucer sa demande, la première que le jeune homme n'ait jamais formulée. Quelques jours de repos lui seraient visiblement profitables, le temps que le soldat retrouve sa santé mentale et physique. Un protecteur amoindri, hanté par le spectre de la faucheuse, ne lui était de toute manière d'aucune utilité. « Soit, » acquiesça le tsar, « prends Aldébaran, mais aussi Altaïr, que tu tiendras en longe comme monture de remplacement. Il te faudra à peine quelques jours pour atteindre les confins de l'Empire. Tu iras à Samarcande. Le gouverneur du Khorasan, le Cheikh Omar, t'y donnera asile. » Mais tu devras être revenu à la pleine lune prochaine lorsque je lèverai le camp pour la Carélie, pour en chasser les Suédois. Va, équipe-toi pour le voyage, et passe au bureau du chambellan avant ton départ. Il te donnera un sauf-conduit et un courrier pour le sultan. » Le capitaine des gardes s'agenouilla en signe de gratitude, se redressa, salua cérémonieusement son maître, et prit congé après en avoir obtenu l'autorisation. Voulant voyager léger, il ne prit que le strict nécessaire. Aux écuries impériales, il se vit confier les deux coursiers les plus rapides à l'est de la Neva. Il sella le cheval préféré du tsar, et déposa sur le dos de l'autre équidée de lourdes sacoches de campagne dans lesquelles il avait placé quelques effets personnels ainsi que des provisions. Impatient de quitter les bords de la Moscova, il se rendit sans plus tarder chez le chambellan. Celui-ci lui donna une podorojnia, un laissez-passer, et pour le gouverneur ouzbek, une longue missive cachetée du sceau impérial portant la mention « Service de l'Empereur ». « Officiellement, vous allez là-bas en mission diplomatique », lui signifia le ministre. Il lui expliqua que nul ne devait savoir pour quelle raison il quittait la capitale. Que le spectre de la mort rôde autour du Kremlin, si près du tsar et de son immédiat entourage, ne pourrait qu'encourager nos ennemis. Cela, nous ne pouvons pas nous le permettre, conclut-il. La distance que Vassili Vorobiov allait parcourir entre Moscou et l'Ouzbékistan était de 2500 verstes. Le service des dépêches mettait ordinairement une dizaine de jours pour faire le trajet. Le capitaine, avec ses montures choisies et la ferme volonté de réduire au minimum les pauses en chemin, espérait pouvoir s'y rendre en une semaine. En homme de guerre, l'officier cosaque bénissait le ciel de lui avoir épargné cette course effrénée durant la rude saison d'hiver. L'automne commençait à peine. Il n'aurait pas à affronter le froid mordant et les tempêtes de neige qui vous immobilisent pour de longs jours ou qui engloutissent des caravanes entières s'aventurant en quête des trésors de la route de la soie. Les immenses et persistants brouillards qui dominaient les plaines ne s'installeraient que dans un mois ou deux, dévorant les routes, avalant les ponts et gobant jusqu'au fleuve. Les loups, tenaillés par la faim, viendraient alors s'aventurer en meute sur les routes des hommes pour y surprendre les voyageurs égarés et les naufragés des brumes. Mais il eût mieux valu pour lui, de toute façon, braver tous ces périls, tant qu'ils surgissaient loin de Moscou. Comme il savait que la mort ne le surprendrait pas dans la toundra, il se sentait capable de faire face à quiconque, et à n'importe quoi aussi longtemps que ce danger se manifesterait loin des tours du Kremlin. Il n'avait à choisir ni son temps ni son heure. Pour lui, il s'agissait d'éviter que la dernière ne sonne. Quelles fussent les rencontres qu'il attendait, aucune ne saurait être pour lui plus terrifiante que la vision de la faucheuse du marché. Il devait les accepter et partir rapidement. Telle était donc la situation. Vassili Vorobiov en prenait la pleine mesure. Il se prépara en conséquence. 3 jours plus tard, à mi-chemin, non loin de Saratov, une vieille femme sortit de son isba pour aller puiser de l'eau. À peine fut-elle arrivée sur le bord de la route qu'un nuage de poussière s'annonça à l'horizon. Elle crut d'abord à une tornade. Puis, le tremblement de la terre s'accroissant sous ses pieds, elle pensa à une caravane. Mais de la nuit, on ne distinguait qu'un homme, un cosaque, qui se maintenait au constant galop. Il montait un destrier de guerre couleur avoine, suivi d'une seconde monture accrochée par la bride de pommeau de sa selle. Porteur d'une sacoche marron, fermement campée sous son aisselle, il était vêtu d'une tunique bleue, d'un pantalon écarlate et d'une chemise de même rouge vif, se terminant par une collerette d'un blanc que la poussière de la route avait rendu jaunâtre. L'homme devait être de quelque importance puisque des galons dorés étaient fièrement cousus sur sa manche droite. Si un foulard masquait l'essentiel de son visage, ses cheveux noirs et lisses comme l'aile d'un corbeau étaient coiffés d'une papaka grise, un haut bonnet de fourrure confectionné à partir de peaux de mouton astrakhan. Habitué à la vie de garnison et à ses exercices continuels, il s'était fait des muscles et des os aussi durs que ceux d'un ours de Sibérie. Une aura de puissance émanait de toute sa personne, au point que la vieille babouchka le vit passer près d'elle sans comprendre si elle venait de voir surgir un ange ou bien un cavalier de l'Apocalypse. Ce même après-midi, dans la capitale, le monarque envoya quérir son chambellan. « Va sur le marché. Cherche la mort, lui dit-il. Si tu la croises, invite-la au Kremlin, sans ses attributs, bien évidemment. J'aimerais comprendre ce qu'elle veut à Vorobiov. » Le ministre s'exécuta et trouva sans peine la dévoreuse. Elle était affairée derrière un étal emballant des poissons qui, manifestement, étaient morts au moins 2 fois avant d'être vendus. Elle servit une matrone et un drapier avant de tenter de s'éclipser. Le chambellan qui l'avait reconnu la héla. « Morana, j'ai pour vous une invitation officielle de Sa Majesté le Tsar. Vous êtes mandé en chambre du Conseil, où vous serez reçu avec tous les honneurs, à condition, bien évidemment, que vous daigniez laisser hors les murs du palais votre faux et vos crochets à âme. La mort fut flattée d'être invitée par un monarque aussi puissant, et ce sans que son heure ne soit venue. Elle acquiesça, remercia le chambellan et lui dit qu'elle honorerait l'invitation du tsar dès qu'elle aurait fini son marché. Une magnifique jeune femme au teint pâle, vêtue d'un vertu gadin d'un blanc immaculé, rehaussée d'un seyant caraco kaki avec un col en caracule, se présenta à l'audience du roi. Le chambellan peina dans un premier temps à reconnaître les traits de la poissonnière, mais il ne faisait aucun doute que la gracieuse jeune fille qui arpentait le tapis rouge de la salle du trône était celle à qui il avait transmis l'invitation de son maître. C'est donc un ministre subjugué et tremblant qui présenta, sans la nommer, l'auguste invité au tsar. « Majesté, voici celle que vous avez fait mander. » L'empereur regarda la demoiselle, et si sa beauté était à nul autre pareil, elle était tellement froide qu'aucun attrait charnel n'en émanait. « Merci d'être venu, » murmura sobrement le tsar. « C'est tout naturel. Je suis rarement convié dans les palais par la grande porte. Je n'aurais pour rien au monde manqué pareille occasion. » répondit une voix caverneuse qui tranchait avec la frêle créature qui lui faisait face. « J'aimerais comprendre pourquoi il vous a plu de faire peur au capitaine de ma garde, » s'enquit-il sans embâge. « Je n'ai pas cherché à lui faire peur, » contesta la Camarde. « Pourtant, il m'assurait que vous lui aviez fait un signe de la main et que votre souffle glacial s'était posé sur sa nuque. Il s'est mépris. Ma réaction était en réalité de la surprise. Je ne lui ai pas fait signe. J'ai juste haussé les épaules et tourné mes paumes au ciel en signe d'incompréhension. Quant à ce qu'il a pris pour mon souffle, c'était tout au plus un soupir d'étonnement, accompagnant le haut que j'ai poussé en le voyant. Le monarque resta interdit. Un ange eut le temps de passer et de faire demi-tour en apercevant la mort dans la pièce. Yvan demanda « De la surprise ?»« Oui, » rétorqua posément la faucheuse. « J'étais étonné de le voir ce matin-là, ici à Moscou, car j'ai rendez-vous avec lui dimanche prochain à Samarcande, et je ne voyais pas comment il pourrait être là-bas en temps et en heure. » Elle fit une pause. « Pourtant il y sera. Mes invités sont toujours à l'heure à notre rendez-vous d'éternité. » L'empereur et le chambellan se jetèrent un coup d'œil. Ils avaient compris. À cet instant, Vorobiov chevauchait à bride abattue vers son destin. Le tsar n'était pas Dieu, mais un instrument de ses desseins impénétrables. Ils firent accompagner la mort aux marches du palais. L'un et l'autre savaient que la prochaine fois qu'ils la reverraient, ce serait elle qui serait l'origine de l'invitation. Ils n'étaient pas pressés qu'elle rebrousse chemin. Le Cosaque atteignit les limites du territoire russe à l'aube du huitième jour. Il poussa ses montures jusqu'à la ville de Samarcande, l'une des plus grandes, des plus belles et des plus magnifiques cités du monde. Elle était bâtie sur les bords de la rivière des Foulons et couverte de machines hydrauliques qui arrosaient des jardins suspendus dignes de l'antique Babylone. Il arriva dans les faubourgs de la cité juste après la prière de 4 heures du soir et il y trouva une foule colorée qui venait sur les berges pour se divertir et se promener. Soucieux de se présenter au sultan à son avantage, il décida de passer la nuit dans un caravansérail afin de se rendre le lendemain matin au palais, frais et dispos. Une fois installé dans une chambre au luxe tout oriental, il alla flâner au milieu des promeneurs. La vie grouillante des berges du fleuve ne manqua pas de le surprendre. Tout ici respirait la douceur de vivre. Des hommes étaient partout, juchés sur des estrades comme au spectacle. On avait disposé çà et là des sièges pour s'asseoir, et les senteurs les plus exquises s'échappaient des boutiques où l'on vendait des fruits et d'autres mets. Il y avait aussi, sur les rives du fleuve, des palais gigantesques, des mausolées, mosquées, bains turcs et bibliothèques qui témoignaient de la magnificence ainsi que de l'immense raffinement culturel des habitants de Samarcande. Bien qu'ayant été dévastée plus d'une fois, la ville s'en était toujours relevée, plus belle et plus florissante qu'auparavant. Elle n'avait d'ailleurs plus ni muraille ni porte. Les maîtres successifs avaient compris que ces protections dérisoires ne servaient à rien. Seule une armée puissante et des garnisons dissuasives cantonnées aux alentours assuraient la mainmise sur la cité. Les Samarcandais possédaient de nobles qualités, mais le courage n'était pas au nombre de celles-là. Ils n'aimaient ni les sièges, ni les privations. Ils avaient en outre de l'amitié pour les étrangers. Peu leur importait donc de changer de maître tant que celui qui arrivait ne fût pas pire que celui qu'il chassait. Aussi, Grecs, Turcs, Arabes et Mongols, après avoir mis la ville à sac, avaient-ils octroyé, pour faire bonne mesure, une large liberté à leurs nouveaux sujets. Ils préféraient jouir ainsi de l'opulence commerciale, de la douceur de vivre, de la sogdiane, plutôt que de devoir raser une ville qui ne serait jamais totalement soumise. Tout à coup, la multitude se fendit en deux. Un passage se forma en son milieu. Le Cosaque prit place en haut d'une estrade pour tenter de comprendre le pourquoi de ce mouvement de foule soudain. Un homme, un criminel à n'en pas douter, monté sur une charrette, poings liés, avançait lentement, encadré par des archers. Le convoi s'arrêta sur l'esplanade de la mosquée, devant une gigantesque tour qui devait être le minaret. Une petite porte s'ouvrit et on poussa le coupable à l'intérieur. Les badauds, sans quitter leur place, se remirent à parler. De longues minutes passèrent. Les marches pour gravir la tour étaient nombreuses. Un vieil homme, assis non loin du capitaine, s'adressa à lui dans un russe parfait. « Vous êtes venu pour assister à l'exécution ?»« Je ne savais pas que c'en était une, » répondit Vassili, sans émotion visible. « Comment cela se passe-t-il ? Je ne vois pas le lieu de supplice. »« La grande tour ne sert pas qu'à l'appel à la prière du muezzin. Elle est aussi un lieu d'exécution pour les condamnés à mort. » Lorsque le prisonnier sera au sommet, on le placera dans un sac. On lui donnera lecture de tous les méfaits qu'il a commis. Ensuite, on le poussera dans le vide. Il chutera ici, juste à nos pieds. » Voyant que son interlocuteur cherchait désespérément du regard l'endroit précis d'où serait culbuté le malheureux, le vieillard lui désigna du doigt une cavité sur la gauche. « Il y a, précisa le Turcoman, un petit promontoire qui donne sur le grand dôme bleu qui couronne la mosquée. C'est de là qu'on les jette. » Vorobiov remarqua alors une inscription en koufik de couleur blanche qui faisait tout le tour de la coupole. « Ce serait manifestement la dernière vision terrestre du malandrin, » pensa-t-il. Désignant à son tour le texte du doigt, il demanda « Qu'est-ce qui est écrit sur la mosquée ?»« Al-Baka Elia. L'immortalité n'appartient qu'à Dieu. » Le bien-être que le capitaine ressentait depuis son arrivée dans cette ville merveilleuse s'envola. Une sourde angoisse s'empara de lui. Il tourna la tête de part et d'autre pour voir si la mort ne l'avait pas suivi séant. Il n'entendit pas la lecture des crimes reprochés aux pilleurs de caravane. Il ne vit pas, au-dessus de la tête du condamné, la mort fermer la housse en jute où il avait été enfermé. Pourtant, c'était elle qui, sous les traits d'un gigantesque garde, projeta le sac vers le néant. La Camarde était déjà là, à Samarcande. Seul le bruit sourd du corps s'écrasant à quelques pas de lui le tira de sa torpeur. Il regarda la masse marron sans pouvoir bouger. Son voisin, le spectacle étant fini, se leva péniblement, posa une main amicale sur l'épaule du jeune homme qu'il tapota. « Bon séjour à Samarcande, l'ami !» lui dit-il avant de se perdre dans la masse reprise de fourmillements. Après une nuit agitée, riche en cauchemars, le capitaine de la garde impériale se mit sur son trentin, barricant et lustrant tous les éléments de son uniforme d'apparat. Puis, en milieu de matinée, il se rendit au palais du sultan, présenta les lettres de créance attestant de son ambassade et attendit qu'on le reçût. Le cheikh Omar était un homme corpulent et de petite taille, à la barbe clairsemée et au teint coloré. Il portait sa tunique très serrée. Pour nouer les fermetures, il avait coutume de contracter son ventre. Sous la tension, il arrivait parfois que les cordons se rompent pour rendre à la panse sa protubérance et son volume. Fort peu coquet, il ne faisait qu'un seul tour avec son turban, alors que la mode était d'en effectuer quatre. Il n'y faisait pas de plis non plus, et laissait pendre les bouts à la façon mongole. Homme pieux, sunnite radical, il ne négligeait aucune des cinq prières quotidiennes, s'acquittant de ses devoirs religieux avec un zèle qui lui valait le respect de toute la communauté des croyants. Lorsque Vorobiov fut conduit jusqu'à lui, le sultan était en grande conversation avec Ubey, son vizir. Les deux hommes avaient d'abord eu peine à croire en la venue d'un courrier impérial russe. La trêve avec le puissant voisin qui durait depuis une décennie s'était muée au fil des ans en une coexistence pacifique. Les Russes, désormais nombreux à Samarcande, étaient des négociants ou des aventuriers, pas des diplomates et encore moins des militaires. Le sultan et son vizir furent perplexes lorsqu'ils prirent connaissance de la missive du tsar. Elle ne disait rien d'autre que des platitudes. Elle évoquait un état de paix qui était un fait qu'il était inutile de rappeler, sauf si, bien évidemment, cette paix touchait en réalité à sa fin. Qui était ce jeune homme? Un espion? Un éclaireur? En tout cas, à coup sûr, un oiseau de mauvais augure. La paix entre les Russes et le sultan, tant qu'elle était le fruit d'une ignorance mutuelle, était honorable. Mais alors que le tsar s'enfonçait toujours plus profondément en Asie centrale pour y accroître son empire et bâtir des églises, Omar évitait de déclarer le djihad en feignant d'ignorer ce qui se passait au nord et à l'est de son propre royaume. S'il se savait dans le monde musulman qu'une forme d'alliance tacite s'était formée entre les deux monarques, il risquait de perdre bien plus que sa vie terrestre pour avoir eu commerce avec le grand Satan de Moscou. Le vizir remarqua la date du courrier impérial. Il lui sembla impossible que la missive ait mis à peine une semaine pour lui parvenir. Seul un noir dessein expliquait pareille rapidité. Il y avait manifestement péril dans la demeure. Prudent, sultan et vizir ne laissaient rien paraître. Mieux même, ils invitèrent leur hôte à venir séjourner dans le palais afin de profiter du dîner qui serait donné en son honneur le samedi soir. Vorobiov accepta et s'installa. Omar et son conseiller, après avoir relu à plusieurs reprises le message du tsar, en étaient convaincus, c'était un piège, et les assauts d'amabilité que contenait le parchemin, un leurre. Il leur fallait vite agir. « Elle est toujours à ton service ?» s'enquit le cheikh. « Oui, sultan. Faut-il que je l'appelle ?» s'inquiéta le vizir. « L'heure est venue, prépare-la. Qu'elle fasse son office tant qu'il est à notre merci. » Elle, c'était Marjane, une jeune femme issue d'une des grandes familles de Nishapur. Ismaélienne, donc hérétique, elle avait été retirée au sien encore enfant. Elle avait d'abord été détenue comme otage à la cour du sultan, afin de garantir le cheikh contre une éventuelle tentative de meurtre de la secte des assassins, dont le père de la jeune fille était l'un des principaux chefs. Son géniteur était-il mort? L'avait-il oublié? Elle avait fini par être recueillie par Ubay, qui avait encouragé en elle ses prédispositions naturelles. Tour à tour espionne, tueuse ou garde du corps, elle servait aveuglément son bienfaiteur, le garantissant contre ses ennemis ou ses adversaires politiques. Sa route allait donc croiser celle du capitaine Vorobiov. Elle lui fut présentée comme une esclave perse achetée sur le marché de Boukhara, la plaque tournante du trafic d'êtres humains dans la région. Le vizir dit au jeune cosaque qu'elle serait attachée à son service pendant toute la durée de son séjour. Vassili ne lui prêtait d'abord peu d'attention. Elle était petite et musculeuse. Brune, sa peau avait le reflet doré des tziganes ou des indiennes. C'était surtout l'intense éclat de ses yeux sautillants, qui luisaient comme des charbons ardents, qui faisait que l'on prenait garde de ne pas la fixer trop longtemps. Elle demeura dévouée et discrète le samedi durant. Précieux guide dans le palais comme dans la ville, elle sut se faire apprivoiser par un officier d'ordinaire si distant. Le repas offert en l'honneur de l'ambassadeur fut pantagruélique. Feuilletés au fromage et à la viande se succédèrent. Ils précédèrent de grands plats de boulettes, boulgour et riz pilaf. Un agneau à la broche fut même porté là pour être découpé devant eux et les autres convives. Enfin, une farandole de dessert, de fruits secs et de pâtes fourrées d'amandes arrosées d'un sirop de sucre accompagna le thé. Il n'y avait ni pain à rompre, ni vin à partager. Culture orientale et loi coranique obligent. Le repas n'en demeurerait pas moins mémorable. Repu et rompu, Vorobiov regagna sa chambre quand Marjane réapparut comme par enchantement. Elle poussait laborieusement un petit chariot sur lequel se trouvaient un samovar et une tasse. « Un skure avant de dormir ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce donc ?» l'interrogea Vassili. « Une boisson de mon pays. » Les hommes en boivent après une dure journée ou avant d'aller au combat. Se sera-t-elle avec un œil qui frisait. La jeune femme, délicatement courbée sur le chariot, laissait deviner la naissance de sa poitrine. Le cosaque distingua le haut d'un tatouage sur le sein gauche juste au-dessus du cœur. Un animal, manifestement. « Tu as un tatouage, à ce que je vois ?»« Oui, maître. Je vous le montrerai tout à l'heure, si vous le souhaitez. » Elle avait, disant cela, servi une tasse d'un breuvage noir et sombre, mais délicieusement odorant. Sans quitter des yeux le dessin tracé à même la chair, le favori du tsar se mit à boire machinalement et à petites gorgées. À chaque lampée, il sentait une douce chaleur l'envahir. La décoction, subtil mélange de thé noir, de haschich et d'opium, commençait à produire son effet. Marjan conduisit l'envoyé de l'empereur jusqu'à son lit, où il s'étala de tout son long les bras en croix. Avec une incroyable dextérité, elle bondit sur lui et se plaça à califourchon. D'un geste ample, elle retira sa tunique afin que le russe puisse contempler son tatouage. Il s'agissait en effet d'un calligraphe symbolisant Ali, le lion de Dieu, emblème de la secte des assassins. Le capitaine ne bougeait plus, paralysé par l'anesthésiant. La persane glissa sa main sous sa jupe en sortit un poignard maintenu jusque-là par une jarretière. L'arme au poing, elle l'adressa au-dessus de sa victime désignée. « Rien n'est vrai, tout est permis », murmura-t-elle, prononçant en voix haute la devise de la confrérie à laquelle elle n'avait jamais cessé d'appartenir, au plus profond d'elle-même. Les 12 coups de minuit commencèrent à s'égrener. Au fur et à mesure, tel un masque de cire, le visage de la jeune femme fondit sous les yeux hagards du jeune soldat, pour n'être plus, à l'ultime tintement, que la face cadavérique qu'il avait entrevue au marché de Moscou. On était dimanche, la mort était ponctuelle à ce rendez-vous-là, à Samarcande. Ainsi s'achève le courrier du tsar par Arnaud Fontaine.